La radiodiffusion télévision française présente une émission publique de Michel Polac, lecture à une voix. Aujourd'hui, Boubouroche, comédie de Georges Courteline, lue par Jean Meyer. Voici Jean Meyer. Boubouroche, comédie en deux actes par Georges Courteline. Personnage, Boubouroche, un vieux monsieur, André, Potasse, Rotte, Fouettard, un garçon de café et Adèle. Acte premier, un petit café d'habitué qui éclaire quelques becs de gaz. Au fond, la porte, de chaque côté de laquelle, sur les vitres de la façade, des affiches qui tournent le dos. À droite, vue de profil, le comptoir, où trône une pompeuse caissière, puis une série de tables de marbre qui viennent jusqu'à l'avant-scène. À gauche, longeant le mur, une égale quantité de tables. Au centre, une table, isolée, chargée de journaux et de brochures. Au lever du rideau, outre quelques consommateurs qui s'en iront au cours de l'acte, un monsieur d'âge respectable, assis à une des tables de droite devant une tasse de café, s'absorbe dans la lecture du temps. À gauche, près de la rampe, Boubouroche joue à la manille avec Potasse contre messieurs Rotte et Fouettard, les reins dans la moleskine de la banquette. Grand amateur de bière blonde, il a déjà devant lui un beau petit échafaudage de soucoupe, cependant que Fouettard et Rotte, qui se sont attardés aux cartes et qui n'ont pas encore dîné, achèvent par petites gorgées l'absinthe restée dans leur verre. Boubouroche abattant une carte. C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des canons, je vis en liberté. Potasse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Coupe, parbleu! Avec quoi? Ah, pas de couteau. J'en ai jamais eu. Oh, c'est trop fort, tu pouvais pas le dire tout de suite? Pour les renseigner, n'est-ce pas? Les renseigner, tu m'as l'air renseigné. Mais zut! On ne joue pas à la manille comme ça. Je joue comme je peux. Alors laisse-moi conduire. C'est curieux aussi, ce parti pris de vouloir toujours et quand même conduire la manille parlée. Comme s'il était donné à tout le monde de conduire la manille parlée. Tiens, regarde Rotte et Fouettard. Ils se fichent de toi, c'est flatteur. Et ça nous coûte une levée. Après, qu'est-ce que je fais? Des sottises. Je te demande ce que je dois faire. Me laisser conduire seul. J'ai de la peine à me faire comprendre. Que dois-je mettre? Où ça? Sur le pli. Ah bon? Mais une crotte de chien. Fouettard à Rotte qu'il questionne. Un cheval? Rotte, un bœuf, un éléphant? Fouettard joue, fait la levée, puis Fouettard écœure. Boubouroche jouant. Pour moi! Il ramasse ses levées et fait à mi-voix le compte. 4 et 4, 8 et 5, 13, et 5, 18, et 1, 19, et 1, 20, et 5, 25, et 4, 29, et 6, 35, et 1, 36, et 4, 40, et 16, 56, c'est bien cela. 22 pour nous, Marc Potasse. Potasse, 22 pour les invités. Rotte, à qui de faire? Boubouroche, c'est à Fouettard. Bah, au diable et mon tabac. Fouettard, qui l'avait mis dans sa poche, l'en retire. Le voici. Simple distraction. Là-dessus, il ramasse les cartes, les bat et donne à couper. Boubouroche, ramassant les cartes. C'est pour la paix que mon marteau travaille. Loin des combats, je vis en liberté. Fouettard. Oh non, tu nous rases, tu sais, avec ton forgeron de la paix. Ah, pour sûr, tu nous rases. Sans blague, ça ne serait pas égal de chanter autre chose. Boubouroche, chante ce que je sais. Fouettard. Ouais, alors, t'as un répertoire restreint. Il donne la retourne. La dame, deux pour nous. Boubouroche qui a étudié son jeu. Causons peu, mais causons bien. À Potasse. Comment es-tu de la maison? Ma part. Par le roi? Oui. Découpe? 2222. Attends. Tu n'as pas de manille? Non, mais j'ai deux manillons noirs. Qu'est-ce qui te demande ça? Tu me questionnes. Ce n'est pas vrai. Comment ce n'est pas vrai? Non, si. Non, a-t-on idée d'un entêtement pareil? Tu ne sais pas la conduire, je te dis. Tu ne sais pas la conduire, la manille parlée. Tu la conduis comme une charrette à bras, comme une soupière, comme un tire-botte. Depuis des années, je te le répète seulement, voilà. L'orgueil, l'éternel orgueil, le besoin de briller et d'étonner le monde par des mérites que l'on n'a pas, faire le malin et l'entendu. Potasse. Ah, mais pardon. En voilà assez. Il se lève. Amédée. Monsieur? Broche, hein, quoi? Mon paletot, mon chapeau. Voyons. Fiche-moi la paix, toi. Broche, vas-tu bête? Faut être un potasse. Tu ne vas pas te fâcher. Ça suffit. Tu es là que tu t'emballes. Viens donc jouer. Je ne joue plus. Pourquoi? Je passe ma vie à me faire engueuler, j'en ai plein le dos à la fin. Faut être un potasse. Droite. Potasse. Bouboche. Potasse. Potasse. Non. Bouboche, bon. Prends tes cartes, potasse. Si je t'ai fait de la peine, je t'en demande pardon. Rote, là, Bouboche. Je te fais des excuses. Rote, t'entends, Bouboche. Tu sais bien que pas un instant l'idée ne m'est venue de te blesser par des paroles désobligeantes. Nous sommes des amis, que diable. Oublie donc un moment d'erreur et reprends tes cartes, potasse. Que veux-tu, c'est plus fort que moi. Quand je joue la manille, je ne me connais plus. Tandis que Bouboche a ainsi discouru, Potasse, sa rancune désarmée, a rendu à Amédée son chapeau et son pardessus. À la fin, il a repris à la table de jeu la place qu'il y occupait au lever du rideau. Il reprend son jeu laissé là, et chacun des autres joueurs ayant également repris le sien, la séance continue. Bouboche. Donc, tu as deux carreaux, deux cœurs, le manillon de trèfle deuxième, et deux piques par le manillon. C'est bien ton jeu, Potasse. Oui. Bouboche, bon, cache-le. Joue à tout. Joue à tout, crois-moi, du plus gros. Potasse, joue à tout. Si le manillon est chez Rote, Rote, il y est. Bouboche, tu vois, je lui fais un sort. Nous allons essayer le 17. À tout. Fouetta, ça réussit, Bouboche. Oh, maintenant, attention au mouvement. C'est pour la paix que mon marteau travaille. On les croit, je vis en liberté. Oh, Bouboche! Laissez. Vous gênez mon inspiration. Ils font la manille de trèfle, on ne peut pas les en empêcher. Ça ne fait rien, ils perdent quand même. Écoute, je vais jouer pique pour toi. Bon, tu prendras ton manillon et tu renverras petit pique. Compris. Pique! Fouettard, au point. Rote, tu parles. Bouboche, joue pique. Pique maître. Potasse, je me défonce. Bouboche, d'un cheval. Fais voir ton jeu. Potasse renverse les cartes qui lui restent encore en main. Mets ton manillon de trèfle. Potasse, voilà. Trèfle pour toi, trèfle pour moi et cœur. 27 pour nous et 22 à la marque. 49, vous êtes dans le lac. Rot, ça y ressemble. Bouboche, encore une. Potasse, ah non. Bouboche, la dernière. Potasse. Oui, bien que tu as dîné, toi. Ah, oh, il est trop tard, non, réellement. Quelle heure est-il, Amédée? 9h20, monsieur Fouettard. Roté Fouettard. 9h20? Oh, mais je croyais qu'il était 7h30. Oh, moi qui ai promis à ma femme de l'amener au cinéma, Fouettard. Et moi qui ai du monde à dîner, on doit être en train de me chercher à la morgue. Rot, va nous en être bien reçus, Fouettard. Ah oui, ça va pas être ordinaire. Ah, Amédée, monsieur, combien ça fait tout ça, Amédée? 4 francs 20, Fouettard. 2 francs 10 chacun. 2 francs 10 chacun, c'est cela même. Ils tirent leur porte-monnaie. Au fait, Bouboche, est-ce que je ne te dois pas 8 francs? Bouboche, oh, c'est possible. Oh, impossible, mais c'est sûr. Bouboche, oh, ça ne presse pas en tout cas. Non? Non. Alors, oblige-moi donc de payer mes soucoupes. Hein. Nous compterons à la fin du mois. Bouboche, avec plaisir. Merci. De rien. À demain, hein? À demain. À propos, paye donc aussi pour moi, veux-tu? Je suis sorti sans argent, figure-toi, je te rembourserai demain soir. Oui. Ça ne te gêne pas, au moins. Bouboche hausse les épaules, Eric. Fouettard. En ce cas, au revoir, Bouboche. Au revoir, vieux. Fouettard et Rote sortent. Potasse. Bouboche. Quoi? Paye-moi un distingué, je te dirai ce que tu es. Je te l'aurais offert sans ça. Deux distingués à mêler. Boum! Bien tiré, hein? Pas trop de faux cols. Soigné. À la nôtre. À la nôtre.

et c'est là que je voulais en venir, la question toujours compliquée et pénible des ruptures dont le besoin s'impose. Monsieur, à l'honneur de vous revoir, je vous laisse les consommations. Il salue et sort. Longue rêverie de Boubouroche. Boubouroche. Nom d'un tonneau ! Amédée, monsieur Désir, vous m'embêtez, rien du tout. Au fait, si, qu'est-ce que je vous dois ? 9 francs 20. Il donne 10 francs. Voilà, gardez. Merci, monsieur Boubouroche. Mais qu'est-ce qu'il a donc ? Boubouroche, au seuil du café. Nom d'un tonneau ! Et il sort. Acte deuxième. Un salon modeste. Au fond, un peu sur la droite, une porte à deux battants. À droite, une porte latérale. À gauche, une croisée distinguée à travers la mousseline du rideau qui la masque. Au fond aussi, face au public, une armoire de chêne. À gauche, Adèle qui travaille, et près d'elle, un guéridon supportant une corbeille à ouvrage et une lampe à vaste abat-jour. À droite, assis sur une chaise longue, André, en culotte et veston, astique à l'aide d'une peau de daim la trompe de sa bicyclette. D'abord un long silence, c'est le calme recueilli de l'intimité. Pas une parole, grincement léger des ciseaux. Une minute s'écoule ainsi. Soudain, André. C'est pour la paix que mon marteau travaille. Loin des combats, je vis en liberté. Adèle, André. André, pardon. Reprise du silence. Puis coup de sonnette. André bondit sur ses pieds et en un clin d'œil va se blottir dans l'armoire dont il ramène sur lui les battants. Ceci sans avoir dit un mot. Adèle, elle, est venue à la porte du fond, puis à une autre porte qui est celle du palier et que laisse voir l'encadrement de la première. Elle ouvre. Un monsieur sur le carré. Mademoiselle Tambour. Adèle, c'est au-dessus, monsieur. Merci. Adèle redescend en scène et vient ouvrir à André. Quelqu'un qui se trompe. C'est tout. Toujours sans ouvrir la bouche, André vient reprendre sur sa chaise longue sa position et son ouvrage, tandis qu'Adèle, près du guéridon, reprend sa chaise et ses ciseaux. La scène redevient exactement ce qu'elle était au lever de la toile. Nouveau silence, suivi d'une nouvelle œillade exaspérée jetée par Adèle à André, qui s'est remis à fredonner le refrain du forgeron de la paix. Pardon. Il sautait. Nouveau temps, nouveau grincement de ciseaux dans les froufrous d'étoffe, etc., etc. Coup de sonnette, André, zut, recommence. C'est la scène déjà vue, nouvelle retraite précipitée d'André en son sous-sol de bahut et nouvelle passade d'Adèle qui retourne ouvrir la porte du palier. Le monsieur sur le carré. Monsieur Trouille. Adèle, c'est au-dessous. Monsieur, merci. Rentrée en scène d'Adèle. Adèle écartant les panneaux du bahut. Quelqu'un qui se trompe. André. Encore ? Ça va durer longtemps, Adèle. Non, mais prends-t'en à moi pendant que tu y es. André. M'en prends pas, toi. Adèle. Si, je dirais même que depuis quelque temps, tu as une fâcheuse tendance à m'imputer des responsabilités dans lesquelles je n'ai rien à voir et à me faire payer les erreurs des personnes qui se trompent d'étage. Tu trouves ? Oui, je trouve. André. Eh bien, sache-le, cet état de choses ne m'est plus supportable. Ce buffet maigrit. Adèle. D'abord, c'est un bahut. C'est juste, je te fais mes excuses. Adèle. Et puis toi aussi, sache-le, tu es profondément injuste. Et avec moi qui fais des miracles, tu le sais bien, pour écourter autant que possible tes heures de captivité, et avec lui, qui te donne une hospitalité relativement confortable. En somme quoi ? Tu as de la lumière dans le bahut, une chaise pour t'y asseoir, une table pour y lire. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Une pièce d'eau ? Voilà donc bien les exigences des hommes. André. Et que voilà donc bien surtout les exagérations des femmes. Il ne s'agit pas de pièces d'eau. Il s'agit que mes parents ne m'ont pas donné la vie pour que je la passe dans un bahut. Enfin, sois sincère, voyons, est-ce vrai ? Autre chose. S'il est déplorable au point de vue de la commodité, ce meuble est excellent au point de vue de l'acoustique. Adèle. Si bien, André. Si bien que le silence de ma solitude y est de temps en temps troublé par des échos fort importants, dont je me priverai, je t'en prie de le croire, le plus facilement du monde. Je t'aime, après tout. Adèle, pauvre chat. Attends. Ah, le buffet de la salle à manger n'avait pas cet inconvénient. André. Non, mais il en avait un autre. J'en sortais imprégné d'odeurs de nourriture qui se cramponnaient à ma personne avec une ténacité au-dessus de tout éloge. Au point que je ne pouvais plus mettre le pied dehors sans me buter à des gens de connaissance qui me humaient comme un plat et finissaient par s'écrier « Ah, c'est curieux, depuis quelque temps que vous sentez la poire cuite. » Oui. Oh, je sais bien que cela est fort plaisant. Seulement, je te le répète, je commence à en avoir plein le dos de cette existence de lapin perpétuellement aux aguets et qui ne sort de son terrier que pour s'y reprécipiter à la première alerte. Ma dignité y reste. Et ma confiance aussi. Ah, ta confiance en qui? En toi. Conclusion aussi flatteuse qu'inattendue. André, elle est logique, raisonnons. Voilà 8 ans que cette plaisanterie dure. 8 ans que tu bernes grossièrement. À ton profit, je te le ferai observer. Un brave garçon qui, après tout, ne t'avait pas prise de force. Et à l'accomplissement de cette tâche, tu as déployé, cher enfant, une telle intelligence que tu m'envoies épouvanté. Adèle, tu vas peut-être me reprocher de sacrifier à notre amour cet imbécile de Boubroche, André. Non ? Mais quand j'envisage les trésors de rouerie, d'audace tranquille, de sournoiserie ingénieuse que tu as dû jeter par les fenêtres pour mener à bonne fin une mauvaise action, j'en arrive à me demander si je ne suis pas moi aussi le Boubroche de quelqu'un et si une femme assez adroite pour cacher un second amant à un premier en le logeant dans un bahut n'en cache pas au second un troisième en le fourrant dans un coffre à bois. André, ah, tu n'empêcheras jamais les gens qui aiment d'être jaloux. Adèle, mais tu n'as pas de jaloux de moi. Je ne t'accuse pas. Tu me soupçonnes ? À peine, ma parole d'honneur. C'est encore 1000 fois trop, mais qu'ai-je fait? Où est mon crime? Je t'ai préféré un autre, et après? Or, cet autre, je le connais, tu ne pèserais pas lourd dans ses doigts si j'avais eu assez d'adresse pour empêcher que tu y tombes. Si tu devrais t'en féliciter au lieu de marchander bêtement, comme tu le fais, les moyens dont j'ai dû me servir. Je n'ai pas peur de lui. Un homme en vaut un autre. Oui? Eh bien, qu'il nous pince, André. Il nous pincera, Adèle. Jamais. Arrêtez-toi donc. Je te dis que nous serons pincés, c'est sûr. Bon, bah tu verras. Du reste, ce ne sera pas aujourd'hui. 9h30 dans un instant, Boubroche ne viendra plus. Nous couchons? Adèle, ce serait peut-être pas prudent. Attendons encore 10 minutes, André. Si tu veux. Il regagne sa chaise longue, Adèle reprend son ouvrage, et la scène, une fois de plus, retrouve son aspect primitif. Silence. Violent coup de sonnette. André, cette fois, c'est lui. Disparition dans le bahut, Adèle va ouvrir. Boubroche entre comme un fou, descend en scène, se rend à la porte de droite qu'il ouvre, plonge anxieusement ses regards dans l'obscurité de la pièce à laquelle elle donne accès, va de là à la fenêtre de gauche dont il écarte violemment les rideaux. Adèle qui l'a suivi des yeux avec une stupéfaction croissante. Mais regarde-moi donc un peu. Boubroche, les poings fermés, marche sur elle. Adèle qui vient à lui avec la plus grande tranquillité. Bon, voilà une figure. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu me trompes! Je te trompe? Comment je te trompe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu te moques de moi, que tu es la dernière des coquines et qu'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Qui? Quelqu'un. Voilà du nouveau. Ah, ne ris pas. Et ne nie pas. Tu y perdrais ton temps et ta peine. Je sais tout. Oh, c'est cela, hausse les épaules. Efforce-toi de me faire croire qu'on a mystifié ma bonne foi. Le ciel m'est témoin que j'ai commencé par le croire et que je suis resté 10 minutes les pieds sur le bord du trottoir, les yeux rivés à cette croisée, m'accusant d'être fou, me reprochant d'être ingrat. J'allais m'en retourner, je te le jure, quand tout à coup, deux ombres, la tienne et une autre, ont passé en se poursuivant sur la tache éclairée de la fenêtre. À cette heure, tu n'as plus qu'à me livrer ton complice. Nous avons à causer tous les deux de choses qui ne te regardent pas. Va donc chercher cet homme, Adèle. C'est à cette condition seulement que je te pardonnerai peut-être, car ma tendresse pour toi sans borne me rendrait capable de tout, même de perdre un jour le souvenir de l'inexprimable douleur sous laquelle sombre toute ma vie. Adèle, t'es bête. Je l'ai été, oui. 8 ans j'ai été ta dupe, inexplicablement aveugle en présence de telles évidences qu'elles auraient dû me crever les yeux. N'importe, 7 ans sont finis. La canaille peut triompher, une minute vient toujours où le bon Dieu, qui est un brave homme, se met avec les honnêtes gens. Adèle, assez! Boubouroche, tu m'as posé le silence, je crois. Adèle, tu peux même en dire certain. Bon, voilà un énergumène qui entre ici comme un boulet, pousse les portes, tire les rideaux, emplit la maison de ses cris, me traite comme la dernière des filles, va jusqu'à lever la main sur moi. Boubouroche, Adèle, tout cela parce que, soi-disant, il aurait vu passer 2 ombres sur la transparence d'un rideau. D'abord, tu es ivre. C'est pas vrai. Alors tu mens. Je ne mens pas. Donc tu écris, c'est bien ce que je disais. Bah, de 2 choses l'une. Tu as vu double ou tu me cherches querelle. Boubroche, enfin ma chère amie, moi, voilà, moi, on m'a raconté des choses. Et tu les as tenus pour parole d'évangile. Et l'idée ne t'est pas venue un seul instant d'en appeler à la vraisemblance. 8 années de liaison que nous avons derrière nous. Non, c'est délicieux. En sorte que je suis à la merci du premier chien coiffé venu. Un monsieur passera qui dira « Votre femme, vous êtes infidèle. Moi, je paierai les pots cassés et je tiendrai la queue de la poêle. » Boubouroche, mais ah, détrompe-toi, Boubouroche. J'ai fait une gaffe. Adèle. Ah, celle-là est trop forte, par exemple. Tout en parlant, elle est revenue au guéridon et elle y a pris la lampe qu'elle apporte à Boubouroche. Voici de la lumière. Boubouroche, pourquoi faire? Pour que tu ailles voir toi-même. Fais donc pas l'étonner. Boubouroche, tu n'empêcheras jamais les gens qui aiment d'être jaloux. Adèle, tu l'as déjà dit. Boubouroche, moi? Quand ça? Adèle, non, tu m'ennuies. Je te dis de prendre cette lampe. Boubouroche prend la lampe et d'aller voir. Tu connais l'appartement, hein? Je n'ai pas besoin de t'accompagner. Boubouroche, ne soyons pas méchante, Adèle. Est-ce que c'est ma faute à moi si on m'a collé une blague? Pardonne-moi et n'en parlons plus. Adèle, tu sollicites mon pardon. C'est bizarre. Ce n'est non plus à moi de mériter le tien par mon repentir et par ma bonne conduite. Ah, pas toujours. Nous verrons plus tard. Comme au fond, tu es plus naïf que méchant, il est possible, pas sûr pourtant, que je perde, moi, un jour, le souvenir de l'odieuse injure que tu m'as faite. Mais j'exige, tu entends, j'exige que tu ne quittes cet appartement qu'après en avoir scruté, fouillé, l'une après l'autre, chaque pièce. Il y a un homme ici, c'est vrai? Mais non. Ma parole d'honneur, tiens, il est là-dedans. Elle monte le bahut. Boubouroche rigole. Viens donc voir. Boubouroche, alors tu me prendrais pour une poire. Adèle, voici la clé de la cave. Boubouroche, la cave. Adèle, tu me feras le plaisir d'y descendre. Boubouroche, tu es dur avec moi, tu sais. Adèle, et de regarder entre les tonneaux et les murs. Ah, je t'ai fait des infidélités. Ah, je cache des amants chez moi. Eh bien, cherche, mon cher, et trouve. Boubouroche allonge. Je n'ai que ce que je mérite. La lampe au poing, il va lentement, non sans se retourner de temps en temps pour diriger vers Adèle, qui demeure impitoyable et muette, des regards suppliants de chien battu, jusqu'à la petite porte de droite, qu'il atteint enfin et qu'il pousse. Coup d'air, la lampe s'éteint. Boubouroche, bon. Mais à la seconde précise, où l'ombre a envahi le théâtre, la lumière de la bougie qui éclaire la cachette d'André est apparue très visible. Adèle étouffant un cri. Ah! Boubouroche à tâtons. Ah, voilà une autre histoire. Tu as des allumettes? Adèle. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière? Précipitamment, il dépose sa lampe, court au bahut, l'ouvre tout grand et se recule en poussant un cri terrible. Découvert, André ne s'émeut point. Il sort de son bahut, emportant sa bougie qu'il dépose sur le guéridon. Lumière à l'arbre. Ceci fait, il va à Adèle et souriant, avec le geste content de soi d'un monsieur à qui l'événement a fini par donner raison. C'était sûr. Je l'avais prédit. Enfin, un peu plus tôt, un peu plus tard, il tire de sa poche sa carte et la présente à Boubouroche. Je me tiens à vos ordres, monsieur. Mais Boubouroche, idiotisé, regarde sans le voir. André, c'est ma carte. Veuillez me faire l'honneur de la prendre. Boubouroche qui replie la carte et la jette au fond de sa poche. C'est bien. Je vous ferai savoir mes intentions. Allez-vous-en. André, excusez-moi, je serais naturellement bien aise de savoir ce que vous comptez faire. Oh, je ne vous interroge pas. Une telle familiarité ne serait sans doute pas de saison. Cependant, en un mot, monsieur, je ne suis pas sans inquiétude. Vous êtes violent et je ne sais jusqu'à quel point j'ai le droit de vous laisser seul avec une femme qui... que... Boubouroche... Vous allez commencer par vous taire. Un mot encore. Je dis un seul. C'est clair, n'est-ce pas? Un seul mot. Je vous empoigne par le fond de la culotte et je vous envoie par cette croisée voir les poules. André, permettez. Silence, taisez-vous. Si un instant vous pouviez deviner ce qui se passe en moi à cette heure, si vous pouviez supposer à quelle force de volonté je me retiens, je me cramponne, ah, je vous le certifie, je vous le jure, vous verdiriez à la pensée de seulement entrouvrir la bouche. Oui, vous seriez terriblement imprudent de vous obstiner à parler après que je vous en ai fait la défense. Et c'est un bonheur pour nous, un grand bonheur que je me connaisse. Allez-vous-en. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je suis un homme très malheureux et dont il ne faut pas exaspérer le chagrin. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en! André, un galant homme est toujours un galant homme, même le jour où certaines circonstances de la vie l'ont mis dans la nécessité de se cacher dans un bahut. Il arrivera ce qui arrivera, mais je ne quitterai cette maison que quand j'aurai reçu de vous l'assurance que vous ne toucherez pas à un seul cheveu de la personne qui est là. Je vous en demande votre parole d'honneur, et c'est le moindre de mes devoirs. Vous êtes extraordinaire. Vous me permettrez de vous le dire avec vos airs de me mettre à la porte d'une maison qui n'est pas la vôtre. Et si je veux bien me rendre à vos ordres, eu égard à votre état d'exaltation, vous ne sauriez moins faire, convenez-en, que de céder à ma prière. Bobouroche, je vais faire un malheur. André, faites-le. Les deux hommes se regardent dans les yeux. Lutte intérieure de Bobouroche qui finit par se dominer. Bobouroche, partez. J'ai votre parole ? Oui. J'en prends acte. André revient à son armoire, prendre ce qui lui appartient, ses livres, ses journaux, sa trompe et sa peau de dents. Une boîte d'allumettes se trouve là. Scrupuleux, il la restitue à sa légitime propriétaire, laquelle le regarde faire sans un mot, tandis qu'il dépose la boîte sur la petite table à ouvrage en murmurant « les allumettes ». Revenu au meuble, il prend son peigne, dont il se peigne, puis sa brosse, dont il se brosse, plante le peigne dans l'écrin de la brosse, se loge la brosse sous le coude gauche, après quoi, saluant Bobouroche et Adèle avec le plus grand respect, « Madame, monsieur, il sort. » Bobouroche à Adèle. « Qui est cet homme ?» Adèle. « Est-ce que je sais, moi ?» Bobouroche, scélérate, tu vas mourir. Il bondit sur elle, de ses deux mains, il lui emprisonne le cou. Adèle terrifiée. « Bobouroche l'a renversé sur la chaise longue, le meurtre va s'accomplir. Mais au moment de serrer les doigts, le pauvre homme manque de courage, il se redresse, il prend cette lampe dans ses mains, il finit par éclater en larmes et tombe aux genoux de sa maîtresse. Il sanglote la tête dans ses jupes. Je ne peux pas, mon Dieu, je ne peux pas. Mais quelle fibre me lie donc à toi que toutes mes énergies d'homme ne puissent suffire à les briser, que ma soif de vengeance désarme devant la peur de te faire du mal et que je ne trouve que des pleurs où je ne devrais trouver que des colères. Voyons. Pourquoi tu fais ça? Oh, je sais bien que je ne suis ni beau ni bien riche, mais j'avais tant fait pour faire oublier ces petits torts. Tu étais dans mon cœur comme dans un nid. J'étais dans tes petites mains injouettes. Tu avais l'air d'être contente. Alors quoi? Car je ne comprends plus. Pourquoi? Parle, pourquoi? Pourquoi? Adèle, qui s'est peu à peu rassurée et dont le visage n'exprime plus à cette heure que le plus profond étonnement. Ah ça, c'est sérieux? Bobouroche. Sérieux? Adèle, c'est qu'en vérité, tu me fais peur. Je me demande si tu deviens fou, mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bobouroche. Ah oh, ne le savons-nous pas que... Mais tu m'as trompé! Adèle, pas du tout. Bobouroche. Tu ne m'as pas trompé? Adèle, jamais. Enfin, cet homme misérable menteux, cet homme! Adèle, je ne puis te répondre. Pourquoi non? Parce que c'est un secret de famille... et que je ne puis pas le révéler. Bon, ça, par exemple. Adèle, tu ne me crois pas. Tu as raison. J'en ferai autant à ta place. Adieu. Bobouroche, où vas-tu? Nulle part. Faut le quitter, voilà tout. Bobouroche, tu n'espères cependant pas que, sur la foi d'une simple assurance... Adèle, ne l'espère pas, en effet. Encore que je pourrais te trouver d'un scepticisme un peu outré à la garde d'une femme qui a été 8 ans la compagne de ton existence et ne croit pas avoir jamais rien fait... qui puisse te donner le droit de suspecter sa parole. Mais ça ne fait rien. Les apparences sont contre moi, et je ne saurais t'en vouloir de la faiblesse d'âme qui te pousse à t'en mettre à elle en aveugle. Si tu ne l'avais, tu ne serais pas un homme. Voilà, c'est possible. Mais moi, je dis une chose, c'est que cacher un homme chez soi n'est pas le fait d'une honnête femme. Si je n'étais une honnête femme, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sacrifierais pas ma vie au respect de la parole donnée. Un secret nous dépend seulement l'honneur d'une autre. Inutile de discuter. Nous ne nous entendrons jamais. Ce sont là de ces sentiments féminins que les hommes ne peuvent pas comprendre. Nous séparerons. Nous n'avons plus que cela à faire. Je ne te demande pas de m'embrasser, mais je voudrais que tu me donnes la main. Sois heureux. Voilà tout le mal que je te souhaite. Pardonne-moi celui que j'ai pu te faire, car je ne l'ai pas fait exprès. Bobouroche. Oh, je sais bien, tu n'es ni vicieuse ni méchante. Adèle, nous aurons goûté de grande joie. Laisse-moi croire que tu n'en perdras pas tout le souvenir en franchissant le seuil de cette porte et que quelquefois, plus tard, quand tout ce qui est présent sera devenu un lointain passé, tu te rappelleras, avec un peu d'attendrissement, la vieille amie que tu auras laissée seule et la petite maison que tu auras laissée vide. Ah, elle peut s'en vanter, la vie, quand elle se met à être lâche. Elle l'est bien. Bobouroche, Adèle. Adèle, ne pleure pas, je t'en prie. Je n'ai déjà pas trop de courage, car enfin, ne me faisais pas d'illusions. Je savais bien que notre liaison ne pouvait pas être éternelle, mais je croyais pouvoir compter encore sur quelques années de bonheur. Beaubroche, je jure de ne plus recommencer au moins. Je t'ai dit que ma tendresse pour toi pouvait aller jusqu'au pardon. Adèle, je sais à quel point tu es bon et je te sais gré de ton indulgence. Mais je n'ai pas accepté le pardon d'une faute que je n'ai pas commise. Et puis à quoi bon, pourquoi faire? Tu ne peux plus avoir pour moi qu'une affection sans confiance et dans ces conditions. J'aime mieux y renoncer. Je tiens à ton amour, mais plus encore à ton estime. Le verre est dans le fruit, jetons-le. Beaubroche, mais je ne peux pas te quitter, c'est plus fort que moi. Adèle, il le faut cependant. Allons. Beaubroche pleure, mon grand bébé. Elle a tiré son mouchoir de sa poche et lui essuie les yeux. Ah voilà, voilà maintenant, il faut que ce soit moi qui le console. Mais sois homme. C'est le deuil éternel de la vie, cela. Beaubroche, je veux rester. C'est impossible. Je t'aime trop, je ne peux pas me passer de toi. Ce sont des choses qu'on dit. Et si j'étais venu à mourir? Beaubroche, oh alors. Adèle, maintenons-nous-en là. Les forces me manqueraient à la fin pour la dernière fois, adieu. Beaubroche, c'est pas la peine, je m'en irai pas. Adèle, tu n'es pas raisonnable. Beaubroche, je m'en fiche. Adèle, c'est bien. Reste. Beaubroche, sur sa chaise longue, continue à pleurer, la figure dans le mouchoir. Adèle, alors tu me pardonnes? Beaubroche, réponds mieux que ça. Tu me pardonnes? Oui. Tu me pardonnes de tout ton cœur? Je te pardonne de tout mon cœur. Et tu ne reparleras jamais de cette abominable soirée? Jamais. Tu me le jures? Je te le jure. Bon. Eh bien, je ne t'ai pas trompé. Ah, tu me croiras peut-être à présent que je n'ai plus d'intérêt à te mentir. Regarde-moi dans les yeux. Ai-je l'air, oui ou non, d'une femme qui dit la vérité? Oh, le nigaud qui gâche sa vie pour le seul plaisir de le faire et ne songe pas à se dire « Oh, mais c'est trop bête ». Voilà 8 ans que cette maison est la mienne et que cette femme vit au grand jour. Enfin, franchement, quand as-tu eu à te plaindre de moi? N'ai-je pas été pour toi la plus douce des maîtresses, la plus patiente? Et il faut bien le dire, la plus désintéressée. Beaubroche, si. Et un tel passé s'écroulerait? Et des heures vécues en commun et des caresses échangées, et de tout ce qui fut notre amour, rien ne subsisterait en ta mémoire parce qu'une fatalité imbécile te fait trouver dans un bahut un homme que tu ne connais même pas. Un doute reste dans ton esprit. Non, ah, ne dis pas non, je le sens. Eh bien, je ne veux plus de toi à moi le plus petit équivoque, la moindre arrière-pensée. Je sais de quel prix je peux payer ta tranquillité définitive. C'est cher, mais je suis disposé à tout. Même à te livrer, si tu l'exiges, un secret qui n'est pas le mien. Dois-je commettre cette infamie? Un mot et c'est fait. Beaubroche, pour qui me prends-tu? Ah, je suis un honnête homme. Les affaires des autres ne me regardent pas. Adèle, embrasse-moi. Je pourrais te faire des reproches, mais tu as eu assez de chagrin comme ça. Seulement conviens-en, tu as été absurde. Tu as été absurde. Elle offre sa joue au baiser de réconciliation. À ce moment, Beaubroche... Oh, chameau! Adèle, moi? Beaubroche, mon chat, comment peux-tu croire? Non, je pense au vieil imbécile auquel, d'ailleurs, je vais aller dire 2 mots. Il se lève, va prendre son chapeau, s'en coiffe et se dirige vers le fond. Adèle, qu'est-ce que tu fais? Beaubroche, un compte à régler, ne t'inquiète pas, je ne fais qu'aller et revenir. Il sort, laissant la porte ouverte qui donne accès sur le vestibule en sorte qu'on le voit ouvrir la porte de l'escalier. À cet instant, passe, regagnant son domicile, le vieux monsieur du premier acte. Beaubroche, ça tombe bien, j'allais chez vous. Il dit, l'empoigne à la cravate et l'amène rudement en scène. Le monsieur rit, hein, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a, Beaubroche? Et si je vous cassais la figure maintenant? Si je vous cassais la figure? Le monsieur voulait vous mâcher. Beaubroche, ah, Adèle est une petite gueuse. Ah, Adèle est une petite gueuse. Eh bien, vous êtes un vieux daim et une poire. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission publique de Michel Polac, lecture à une voix. Aujourd'hui, Beaubroche, comédie de Georges Courteline, lue par Jean Meyer, sociétaire de la Comédie française.